Je crois beaucoup à la création de start-up et je crois qu'on peut faire mieux, déclarait le tout fraîchement nommé président du CNRS Antoine Petit. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche, la LPPR, qui doit passer en première lecture à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, semble aller dans le même sens, notamment en programmant la création de 500 entreprises de deep tech en 3 ans ou en créant un contrat doctoral et des post-doc de droit privé. Si vous ajoutez à cela que le gouvernement veut financer 14 000 postes de chercheurs privés au sein des laboratoires publics, vient la question, la recherche française est-elle en train d'être privatisée ? La recherche française est-elle à vendre ? C'est le programme privé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre comment s'organise la recherche française aujourd'hui entre public et privé, quelles en sont les mutations à venir, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christelle Rabier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'EHESS, en histoire des sciences et de la médecine. Nous sommes également en ligne avec Erwan Lamy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé en épistémologie, histoire des sciences et des techniques à l'ESCP Business School. Et Jean-Marie Vigoureux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, enseignant-chercheur et auteur de Détournement de science, être scientifique au temps du libéralisme. C'est aux éditions Éco-Société. Mais on commence par notre examen quotidien de l'actualité des sciences et de la recherche en version light pour cause de coronavirus. C'est le Journal des sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, Natacha, une étude parue hier dans la revue Science Advances qui dit que les paléontologues viennent d'identifier une ancienne extinction de masse. Il y a environ 232 millions d'années, on sait qu'il y a eu une phase de changement climatique mondial avec des éruptions volcaniques massives. C'est ce qu'on appelle l'épisode pluvial du Carnien. Selon cette équipe internationale, nous en avons sous-estimé la violence. Les chercheurs ont fait une méta-analyse des données fossiles. Ils concluent que cet événement fut un moment d'extinction majeur. Il aurait provoqué la disparition de 33% des espèces marines, mais aussi de la flore et de la faune terrestre. Mais selon l'étude, juste après l'extinction, de nouveaux groupes ont pris le relais et ont formé des écosystèmes plus modernes. Les changements climatiques ont ainsi encouragé la croissance de la vie végétale. L'épisode a ainsi donné sa chance aux premières tortues, aux crocodiles, aux lézards et aux premiers mammifères. Et comme toujours, on retrouve toutes ces études sur notre fil Twitter @lamethodefc et sur franceculture.fr. On passe au bref. C'était la grosse annonce scientifique cette semaine, la détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Eh bien, la sonde BepiColombo pourrait faire de précieuses observations à ce sujet, Natacha. Oui, avant de déclarer que l'on a peut-être trouvé une biosignature sur Vénus, il faut d'abord confirmer cette détection. Coïncidence, BepiColombo, le vaisseau de l'agence spatiale européenne et de l'agence japonaise, qui a été lancé en 2018, est en route pour Mercure. Or, le 15 octobre prochain, il passera près de Vénus. Par chance, l'instrument à bord, le MERTIS, un radiomètre à mercure et un spectromètre à imagerie infrarouge thermique, est en mesure de détecter la phosphine. La sonde pourra aussi faire de nouvelles observations lors d'un second survol en août 2021. Une étude parue dans Biophysical Journal apporte la preuve que les leucocytes humains, les globules blancs, peuvent nager. On savait que les leucocytes pouvaient nager, mais les mécanismes de la natation amiboïde n'a jamais été démontré. Les chercheurs de l'université Grenoble-Alpes et l'université Aix-Marseille ont découvert que les globules blancs humains utilisent des paddles moléculaires pour nager. Le mécanisme a été baptisé pagayage moléculaire. Les cellules pagayent et utilisent des protéines transmembranaires qui s'étendent sur la membrane cellulaire et qui leur servent de tapis roulant. C'est ce mouvement qui les propulse. Cette découverte pourrait expliquer comment les cellules immunitaires et les cellules cancéreuses migrent à travers un organisme. Et enfin, une étude parue dans la revue Nature hier fait la description d'une énorme planète en orbite autour d'une petite étoile mourante. Des exoplanètes, on en a déjà découvert des milliers, mais des comme celle-ci, jamais. Une grande collaboration internationale a utilisé les données du télescope spatial TESS. Dans la constellation du Dragon, à environ 80 années-lumière, les astronomes ont détecté WD 1856b, Une planète géante, de la taille de Jupiter, mais 14 fois moins massive, elle orbite très très près de son étoile, une naine blanche, et en fait le tour en 34 heures. On ne pensait pas qu'une planète si proche d'une naine blanche puisse exister, parce que en vieillissant, les étoiles, comme notre Soleil, deviennent des géantes rouges, puis des naines blanches, c'est-à-dire des étoiles mourantes. Mais lors de la phase géante rouge, l'étoile se dilate jusqu'à avaler les planètes trop proches d'elle. L'existence WD-1856b est donc un mystère. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour un journal des sciences de la semaine ainsi que pour le journal de la science-fiction. C'est l'une des principales accusations qui est faite à la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, examinée ce mardi par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et qui doit passer en première lecture lundi prochain devant les députés. Ce projet de loi serait le cheval de Troie d'une privatisation rampante de la recherche, en cours depuis plusieurs années, mais qui d'un coup subirait une sorte d'estocade, de coup de boutoir pour déshabiller le public, pour rhabiller le privé. Pour autant, le Premier ministre et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Jean Castex et Frédéric Vidal, en visite au CEA au début du mois, ont affirmé main dans la main leur intention de réarmer la recherche académique, déclarant même que, je cite, « la crise du Covid-19 nous rappelle le caractère vital de la recherche scientifique et la nécessité d'investir massivement sur le long terme ». Qui croire et que comprendre à cette loi et plus généralement à la structuration de la recherche en France, à cheval entre un monde académique jugé parfois coûteux, figé, pas assez dynamique, et un monde entrepreneurial qui serait, lui, attiré par le gain à court terme et intéressé uniquement par la recherche appliquée, ou pour le dire autrement, la recherche française est-elle doucement mais sûrement en train de glisser vers la privatisation ? Écoutez ce qu'en disait le président du CNRS, Antoine Petit, au cours d'une interview, c'était au mois de février dernier. La Commission européenne souhaite la libre circulation des données dans l'Union entre les entreprises, mais également un partage entre sociétés privées et organismes publics. Ça existe déjà ou c'est vraiment tout nouveau ? Non, ça existe déjà un peu. D'accord, c'est-à-dire que nous, par exemple le CNRS, en tant qu'organisme de recherche, bien sûr, on travaille avec énormément de partenaires privés. Vous n'avez pas attendu l'Union européenne pour travailler avec les entreprises ? On n'a pas attendu, on a à peu près 150 laboratoires communs avec des grands industriels français beaucoup, mais aussi européens. Mais simplement, le fait que la Commission européenne systématise ça, ce sera tout à fait bénéfique. Alors, ça va déjà faciliter notre travail en tant que scientifique, parce que le fait d'avoir accès à ces gros ensembles de données permet d'avoir des algorithmes plus performants. Ça permet aussi de travailler sur une dimension qui est très chère à l'Union européenne, sur le fait qu'on soit capable d'expliquer les décisions. Vous savez qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur le fait de dire mais est-ce que l'intelligence artificielle va prendre des décisions qu'on ne comprenons pas ? Et donc cette notion d'explicabilité, c'est quelque chose, je crois, qui correspond tout à fait aux valeurs européennes. C'est quelque chose pour lequel le consommateur est demandeur. Et pour expliquer, il faut être capable de tester des algorithmes, il faut être capable d'avoir des grandes masses de données. Donc c'est grâce à ça c'est grâce au dispositif de l'Union européenne qu'on va pouvoir avoir accès à ça. Et puis c'est aussi parce qu'on a beaucoup parlé de grands groupes, mais il faut évidemment pas oublier les startups, parce que dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est absolument clé. Et si on veut que des startups se créent, il faut leur donner justement ces données, il faut leur fournir ces données de façon à ce qu'elles puissent tester leurs idées, tester leurs services, et puis ensuite c'est la course évidemment à celui qui est le plus performant. Voilà, la course à la performance. Antoine Petit, président du CNRS, qui redit là son intention justement de développer un maximum de start-up scientifiques appuyées par CNRS Innovation. Votre réaction justement à ce positionnement très pro-entreprise, très pro-start-up du président du CNRS, Christelle Rabier? Je ne sais pas très bien quoi vous répondre. C'est un dossier que je connais relativement peu. Ce que je sais, c'est que il y a quand même une idéologie derrière qui est très claire. D'une part, c'est que il y a la science, c'est de la compétition. Le terme qu'il a employé et que vous connaissez bien, c'est le darwinisme. Et darwinisme que, social. Ailleurs, darwinisme, oui, enfin, du darwinisme social, si vous voulez, enfin sur fond de théories scientifiques validées qui donc pourraient s'appliquer justement à la société des sciences, et que l'ensemble des mesures prises par le gouvernement, et donc avant même la loi qui va être en examen en séance lundi, mais dès la loi de transformation de la fonction publique, c'était justement de faciliter des échanges et des prises de participation d'un certain nombre d'agents publics dans le privé. Très bien, on va revenir hein, sur cette loi et puis plus généralement sur la structuration de la recherche en France. Peut-être un mot, une réaction, Erwan Lamy, à cette déclaration du président du CNRS. Et finalement, on l'entendait, hein, la relance de la journaliste en disant finalement les partenariats public-privé, ça n'est pas une nouveauté, ça n'est pas lui qui est à l'origine de ce virage, en tout cas, dans la recherche académique française. Oui, non, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille un petit peu sur le sujet et j'ai l'impression qu'on se répète beaucoup ce discours. Je l'entendais déjà au tout début des années 2000, en fait, hein, l'idée qu'il faut absolument que la science soit au service de l'industrie et de l'entreprise. Sur le fond, c'est pas absurde, évidemment. Hein, la science aussi a une part d'utilité, elle doit servir à la société, naturellement. Le problème, c'est quand on essaie de transformer complètement la science, de la subordonner à des objectifs marchands. Et je crois que c'est ça qui est en jeu avec cette loi comme avec celle qui précède. Jean-Marie Vigoureux, vous partagez cette analyse d'Erwan Lamy. Le gouvernement actuel ou les précédents sont en train de subordonner la science à des objectifs marchands? Oui, c'est mon intention. C'est tout à fait pas simplement une impression, mais c'est pour moi une certitude. Il faut voir quand même que, par exemple, hein, le programme Horizon 2020 de l'Union européenne était présenté comme un programme qui allait permettre de piloter la science par le marché. Hein. C'est-à-dire que quand on lie la science à l'industrie ou à l'entreprise, ça pose pas de problème. Le problème, il est quels vont être les rapports entre les deux. Qu'une découverte faite dans un laboratoire puisse amener à une production qui va permettre à une entreprise de gagner de l'argent, c'est pas normal, surtout si cette entreprise a investi de l'argent pour permettre de la développer. Mais que la science soit subordonnée au marché, pour moi c'est très grave. Mais vous pensez qu'on en est là, qu'on en est à ce point de subordination? On voit quand même, on a de belles institutions publiques qui sont vigoureuses en France, le CNRS, l'INSEAM, le CEA, je ne sais pas, enfin, qui produisent aujourd'hui, qui publient beaucoup, qui déposent des brevets. Jean-Marie Vigoureux. Oui, on n'en est pas là, mais c'est le chemin qu'on prend progressivement. Hein, on le voit d'ailleurs dans le vocabulaire lui-même de nos hommes politiques. Hein, je ne dis pas que la science en ce moment est pilotée par le marché. Mais je dis qu'il y a un fait nouveau, mais qui vient, je suis pleinement d'accord avec Erwan Lamy, hein, qui vient de loin, qui remonte, mais qui se développe, qui est de dire que la science est, moi j'exprime ça en disant prise en otage par la finance. Hein. C'est-à-dire que il y a des liens de plus en plus étroits, mais qui sont, à mon avis, malsains à terme. Voilà. On va vous faire expliciter, hein, parce que c'est ce que vous détaillez dans votre livre « Détournement de science », quelles sont finalement les preuves, ou en tout cas les indices qui vous laissent aujourd'hui penser qu'il y a ce mécanisme de subordination qui est à l'œuvre. J'aimerais votre opinion, Christelle Rabier. Encore une fois, je ressors finalement cette évidence qui est celle de la puissance aujourd'hui, au niveau européen et au niveau mondial, des organismes publics de recherche français dont on n'a pas vraiment le sentiment qu'ils ont été corrompu par un grand Satan privé capitaliste, mais qu'ils sont quand même encore relativement fonctionnels, financés sur fonds publics et assez indépendants. C'est le cas, mais en fait, comme j'abonde complètement dans ce que disent les collègues, il est désormais de plus en plus difficile pour les chercheurs publics, même des grands organismes, d'obtenir des crédits pour mener à bien leurs recherches, c'est-à-dire de s'équiper en matériel, d'avoir des collaborateurs qui sont des chercheurs titulaires mais ou même contractuels en nombre suffisant pour les conduire. Ce qui fait que nombre de mes collègues, notamment en chimie, sont obligés de passer des contrats avec des entreprises pour pouvoir en fait bénéficier d'un crédit sur la part crédit impôt recherche de notre budget, puisque celui-ci est complètement consacré à l'industrie. Ce qui représente le crédit impôt recherche, peut-être on va en reparler, on mais en parlera, il représente un quart du budget. Mmh. Donc les chercheurs sont de plus en plus dépendants de types de contrats auxquels ils peuvent avoir accès. On va revenir hein, sur voilà. Subordination. On va revenir sur ces liens, on va essayer de les expliciter, on va essayer de les comprendre pour voir aujourd'hui bien quelle est la part de recherche publique, quelle est la part de recherche privée. Il y a évidemment des passerelles qui existent déjà et puis on va essayer d'examiner quelle est la tendance, c'est-à-dire ce que cette future loi de programmation bien devrait finalement impulser comme mouvement dans l'organisation et la structuration de la recherche française. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de l'état de la recherche française entre public et privé, à cheval certainement entre les deux. Nous en parlons avec Christelle Rabier, Erwan Lamy et Jean-Marie Vigoureux. D'abord, j'aimerais peut-être qu'on essaie d'expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs aujourd'hui quelle est la structure de la recherche française justement entre le monde académique et le monde privé. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompris, beaucoup d'impensés à ce niveau-là. Beaucoup de gens imaginent que tout est aux mains des grands groupes pharmaceutiques, pour ne citer qu'eux. Que les laboratoires publics aujourd'hui sont en déshérence complète. Or, la situation est évidemment bien plus complexe, bien plus fine que ça. Est-ce que vous pouvez faire un petit panorama? Je ne sais pas qui souhaite le faire. Peut-être Christelle Rabier? Peut-être mes collègues qui connaissent bien le sujet. Alors, Erwan Lamy, allez-y. Oui, je ne suis pas certain non plus, effectivement, d'être absolument un grand spécialiste de la question. Si c'est pour dire de manière un petit peu plus générale que le paysage n'est pas une opposition comme ça entre le méchant privé oui. et le gentil public. C'est oui, déjà pas mal de le dire. Rappeler, oui, non, mais c'est important. C'est très important. La recherche, elle est aussi menée dans le privé et c'est une recherche de qualité qui peut être menée dans le privé, y compris une recherche fondamentale. Il y a l'exemple ultra classique, par exemple, des laboratoires Bell qui a accueilli des chercheurs de très haute volée et des travaux fondamentaux. Ce qui est important, justement, à propos de cette opposition, c'est qu'on risque de se tromper d'ennemi, finalement. Je vais peut-être dire quelque chose d'un peu contre-intuitif. Quand on parlait de subordination tout à l'heure de la recherche, il ne faut pas forcément penser que les chercheurs du public vont finir par être aux ordres directement des entreprises. Non, cette subordination, c'est la subordination à un esprit marchand, un esprit de commerce, et de manière assez contre-intuitive, il concerne aussi les scientifiques dans le privé. Les scientifiques dans le privé, il y a 50 ans, ils travaillaient d'une manière qui n'avait rien à voir avec la manière dont les scientifiques travaillent aujourd'hui, qu'ils soient dans le privé ou dans le public. Comment travaillaient-ils il y a 50 ans? Aujourd'hui, la pratique scientifique, c'est un peu mercantilisé. C'est-à-dire qu'on a des objectifs de performance, il y a des indicateurs, il faut publier effectivement de manière à produire. C'était pas le genre d'éthos, c'était pas le genre de manière de faire, de manière de travailler qui était dominante il y a encore quelques décennies. Et je crois que fondamentalement, c'est ça qui est pervers et c'est ça qui, pour reprendre votre terme tout à l'heure, c'est ça qui corrompt le système, parce que le système est vraiment corrompu par cette transformation de la manière de travailler. Mmh. Évidemment, il y a aussi des problèmes financiers, ils sont graves, mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue le principal, ce qui me semble être le principal problème et la principale évolution du monde scientifique contemporain. Peut-être qu'il faut tout de même aussi rappeler, Jean-Marie Vigoureux, qu'aujourd'hui, les deux tiers de la recherche en France sont de la recherche privée. C'est deux tiers du budget de la recherche annuelle. C'est 61% des chercheurs. Aujourd'hui, la majeure partie de la recherche se passe dans le privé plus que dans le public. Oui, je ne sais pas les chiffres exacts, mais je suis pleinement d'accord avec ce qu'a dit Erwan Lamy tout à l'heure. Le problème, c'est effectivement la subordination. La marchandisation de la science, ça touche bien sûr des choses concrètes comme les subventions, et on le disait tout à l'heure, la manière dont certains chercheurs vont pouvoir avoir pour leur projet de l'argent ou pas. Mais c'est aussi tout l'esprit. Dans l'esprit de la marchandisation, il y a par exemple le court terme. Que vont devenir, ou que pourraient prendre des recherches à plus long terme? Alors on peut dire toujours, oui, mais l'État, on va garder un petit peu d'argent pour eux. Oui, oui, oui, mais ça, j'en doute un peu à terme, disons. Hein, pour poser la question de manière une image qui me vient, est-ce qu'on pourrait m'indiquer une entreprise française qui se dirait, là, il y a une bande de jeunes là qui sont en train de discuter de savoir si la lumière est faite d'ondes ou de corpuscules, on va les subventionner. Hein. Ils avaient 25 ans en moyenne, hein, les Heisenberg, les Dirac, etc. Oui. Poli, etc. Mmh. Est-ce que ce serait, et pourtant on sait toutes les retombées de la théorie quantique dans la vie quotidienne. Est-ce que une entreprise se serait dit, ah oui, il y a quelqu'un qui se pose des questions là pour savoir si l'espace-temps est courbe ou pas. va financer autant des recherches qui seront pour le bien-être humain, pour permettre à des gens qui ne mangent pas de manger, etc., ce qui ne rapportera pas grand-chose, ou est-ce que l'argent ira plutôt sur des choses lucratives qui vont apporter quelque chose ? On va chercher du profit, on va chercher du court terme, parce que les gens qui investissent, ils veulent de l'argent et des retombées rapides. On va chercher aussi, on va laisser tomber le long terme. L'exemple le plus typique, c'est de voir l'état de la planète maintenant. Ce sont tous nos biens communs, hein, l'eau, l'océan, l'air, l'atmosphère, qui partent. Est-ce qu'on va financer des choses ? On sait très bien, il y a eu des rapports disant ce qu'il fallait faire. Mais c'était des actions qui allaient rapporter éventuellement quelque chose, peut-être pas de l'argent, mais quelque chose. Dans, disons, 60 ans, 70 ans, on a tout laissé tomber. Je veux dire, l'esprit même de laisser la science se développer dans l'esprit du néolibéralisme actuel est quelque chose de grave. Alors quand on dit après qu'il y a un lien entre les entreprises et la recherche, c'est bien évident, puis il en faut, c'est bien. Par contre, je dirais quand même un petit bémol. C'est que quand on dit ça, on dit il faudrait piloter les chercheurs, il faudrait que les chercheurs s'adaptent au monde de l'entreprise, il faudrait ouvrir l'université au monde économique. On pourrait se poser aussi la question d'ouvrir le monde économique à l'université, à l'esprit de la recherche, à beaucoup de choses. Pourquoi ? Est-ce que ça serait dans un sens et pas dans l'autre, hein ? Les chercheurs, comme chercheurs, on est citoyens, on est acteurs comme tout le monde, à part entière, et on doit avoir la même part. On n'est pas là au service de... Alors, on peut donner un tas d'exemples. Hein. Par ailleurs, alors, attendez, je vous interromps, Jean-Marie Vigoureux, parce que je le disais, je me suis trompé d'ailleurs des chiffres. Hein. Ce n'est pas 14 000, c'est 1 400. Dans le programme, dans le plan France Relance, oui, au cours des trois prochaines années, le gouvernement prévoit de financer 80%, 1 400 postes de chercheurs privés au sein des laboratoires publics. C'est exactement ce que vous venez de décrire. Ben oui. Donc ça va dans le bon sens, ça. Ben, le problème, il n'est pas tellement le lien d'argent. Hein, il est qui va piloter qui. Si c'est la finance, le monde financier ou le monde de l'entreprise qui donne les orientations en disant vous allez avoir des subventions si vous travaillez dans tel et tel domaine, je trouve que c'est très grave. Mais alors si je vous entends bien tous les trois, j'ai presque le sentiment aujourd'hui que la recherche académique a été complètement abandonnée ou en tout cas phagocytée par des ambitions mercantiles ou commerciales du secteur privé et que plus rien d'intéressant ne sort de cette recherche académique, qu'il n'y a plus de recherche libre ou de recherche fondamentale. C'est quand même difficile à avaler ça, Christelle Rabier. Alors, en fait, moi, je voudrais un peu nuancer les propos de mes collègues en replaçant les choses sur un temps long. Parce qu'effectivement, quand vous parlez de science, là, il s'agit d'une science très, très particulière qui est, en gros, les sciences chimie, physique, avec application biologique, à la rigueur, enfin... Or, cette idée de la science liée au monde de l'entreprise, elle est assez datée. Et elle date de la révolution industrielle et notamment de la fin du XVIIIe siècle, en France tout particulièrement, quand au moment du consulat et de l'Empire napoléonien, quelques grands chercheurs scientifiques ont monté des grandes entreprises chimiques, ont aussi modelé l'appareil d'État qui devait à la fois se servir et être servi par cette science qui allait permettre la puissance de l'État. Donc dans cette optique, il y a une longue tradition de science appliquée qui vise à renforcer le pouvoir de l'État-nation. Donc on pense aussi au projet Manhattan, bien sûr, mais en fait aussi toute une activité d'entreprise coloniale, par exemple avec Pasteur, qui monte toute une série d'instituts qui visent à essaimer sur le globe et aussi renforcer la puissance française. Donc là, il y a une coalition d'intérêts qui est servir l'État dans sa dimension à la fois impérialiste et militaire. Donc là, ça fait à peu près deux siècles. Mais en fait, l'État a aussi subventionné d'autres types de scientifiques et à des fins à la fois de formation, à les fins de formation des professeurs, par exemple, mais aussi de recherche historique pour consolider le discours national. Et donc, quand on y parle de partenariat public-privé, on oublie déjà tout un pan de ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, qui pourtant participent pleinement de l'effort de recherche dans laquelle la France en particulier est tout à fait reconnue. Esther Duflo a récupéré récemment un prix Nobel en étant l'incarnation peut-être. Donc là, je rejoins Monsieur De Véreux quand il dit à qui sert la science ? Est-ce que c'est l'État entendu dans un sens très très étroit d'un petit groupe de personnes, de banques, d'acteurs financiers ou industriels qui doivent en fait être subventionnés par la puissance publique ? Ou est-ce que la science doit être au service des citoyens ? Et là, on voit bien que depuis plus d'une vingtaine d'années, là, il y a beaucoup d'activités scientifiques. On appelle par exemple la science participative, mais aussi tout ce qui est des émergences de types d'études comme les sciences environnementales, sciences et sociétés, et puis les sciences sociales de la santé, qui invitent en fait à dégager peut-être l'activité scientifique de sa dimension et de son dimension d'application industrielle. Au contraire, en ayant un discours très très critique vis-à-vis de ces industries, d'où la forme de réaction qu'on connaît aujourd'hui, je pense, qui refuse par exemple que des projets sur le cancer pourraient comprendre les liens entre environnement, pesticides et cancer des enfants et des adultes soient financés. Enfin, des choses qui sont des dimensions de forme de censure scientifique qui sont très très actives, très peu connues, mais qui entravent considérablement l'activité des chercheurs et puis surtout le projet de société dans lequel qu'on a envie de partager. Alors du coup, j'aimerais vous poser cette question à tous les trois tout de même, qui est que on a le sentiment qu'on est à cheval entre deux tendances, c'est-à-dire d'un côté l'idée que toute recherche dirigée, c'est-à-dire que toute volonté d'encourager ou d'amener un secteur, un pan particulier de la recherche à des applications, à des dépôts de brevets et donc à quelque chose effectivement d'assez concret qui peut servir autant une entreprise privée que le bien public serait du coup voué à l'échec ou en tout cas à la subordination pour reprendre vos mots, Jean-Marie Vigoureux, et qu'il ne faudrait de la recherche que laisser finalement les scientifiques flâner sans aucune forme de direction, sans aucune forme de programmation. Est-ce que, alors pour formuler cette question là plus courtement, Erwan Lamy, est-ce que la programmation scientifique est foncièrement maléfique? Non, on va la faire courte. Non, la programmation scientifique n'est pas foncièrement maléfique. Ça existe, je suis aussi entièrement d'accord avec ma collègue. Il y a des objectifs sociaux qui sont importants et la science doit les prendre en compte. Le fait de mettre en branle de vastes programmes qui visent à orienter un peu la pratique scientifique, c'est tout à fait légitime. Là où ça devient problématique, c'est quand on commence à prendre le stylo, la calculette ou l'ordinateur du scientifique pour lui expliquer comment faire. Et c'est un petit peu ça. Mais c'est-à-dire, par exemple, concrètement Ce qu'on perd aujourd'hui, c'est toute la dimension affective de la pratique scientifique. Le scientifique aujourd'hui doit suivre des rails dicté par une structure administrative. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est pas du libéralisme. Ça n'a rien à voir avec du libéralisme. C'est l'État qui met en place ce genre de choses. Il y a toute une idéologie derrière la mise en place de ces structures qui visent non pas... Alors le problème, à nouveau, n'est pas de contrôler ou de diriger. Il y a toujours une direction de la science. Mais de dire aux scientifiques comment ils doivent travailler. À coup de projet, par exemple. Ou bien... en répondant à tel appel, à telle offre pour faire tel projet de recherche de telle manière. Là, ça devient malsain sur le plan de la production de la connaissance. Mais alors, je joue mon rôle de contradicteur, évidemment, mais ça veut dire que, par exemple, il serait malsain d'avoir une loi de programmation qui mette le paquet sur des startups, sur de la technologie, sur de l'intelligence artificielle, mais il serait plus acceptable socialement de mettre le paquet sur la recherche contre le cancer pour trouver une cure universelle, alors que finalement, le principe, le procédé descendant vertical serait à peu près le même. Erwan Lamy, et ensuite Jean-Marie Vigoureux là-dessus. Le problème est moins dans la direction ou dans la budgétisation de certains programmes de recherche que dans toute la structure qui va encadrer ensuite la recherche. On peut effectivement soutenir la recherche sur le cancer ou privilégier des recherches technoscientifiques diverses et variées, mais il faut arrêter, enfin, il serait bon, je ne dois pas non plus être caricatural, mais il serait bon de lever un peu le pied sur toute la dimension, par exemple, de recherche par projet. Il serait bon de lever un petit peu le pied sur toute la pression bibliométrique qui pèse sur les épaules des chercheurs, qu'ils soient en sciences de la nature ou en sciences de l'homme et de la société. Ce sont ces dimensions-là qui constituent le plus fondamentalement la mercantilisation qui est en train de nuire à la production de la connaissance. Jean-Marie Vigoureux, c'est ça, c'est là, si on devait le résumer d'une autre manière, le problème, c'est favoriser de plus en plus systématiquement une recherche sur projet extrêmement dirigée, extrêmement encadrée par rapport à ce qu'on appelle dans les laboratoires les crédits récurrents qui laissent un peu plus de latitude au directeur de laboratoire pour conduire la recherche telle qu'il l'entende. Je crois que la question est de savoir dans quelle direction on veut aller et je voulais applaudir à ce qu'avait dit Christelle Ravier tout à l'heure. En replaçant dans son discours la science ou la recherche dans la société. La question, une question de fond, parce qu'il y en a d'autres, c'est effectivement comment vont se décider les orientations de la recherche? Qui va décider? J'ai lu un article, ça fait quelques années, dans lequel l'auteur se réjouissait en disant que telle recherche annoncée était là pour répondre à la demande sociale. Mais moi, de toute ma vie de chercheur, j'ai jamais entendu la demande sociale. Et je me dis, mais qu'est-ce qui décide de la demande sociale? Quelle est cette demande sociale? Qui décide de ce qui va être utile ou non au développement humain, au développement de la planète aussi, pour les années qui viennent? Et ça, je crois que c'est une question importante. Si la décision est prise, pour moi, par un domaine financier ou exclusivement d'entreprises à but, disons, de faire du profit, je pense que c'est dangereux. On se plaint souvent d'un déficit démocratique. On se dit que les gens n'interviennent pas, ils ne votent plus, etc. Mais quelle place leur reste-t-il aux citoyens pour décider des éléments de sa propre vie? Et il n'y en a pratiquement aucune. Alors, tout ce qui se fait dans le sens science citoyenne, c'est très bien, Christelle Ravier en a parlé, mais je pense qu'une question importante, c'est qui va décider? Quand je disais tout à l'heure mainmise sur la science, ben oui, c'est la question, mainmise, sous-entendu, je le disais, mainmise de l'argent, mais la science, elle peut être pilotée autrement, et comme elle l'a dit très bien, il y a des tas de sciences qui sont des choses qui sont présentes au CNRS, qui sont la richesse de la recherche, qui vont de la philo aux sciences humaines, la musicologie, l'archéologie, etc., qui méritent d'être financés complètement, même si on ne voit pas les retombées financières à terme rapides. Voilà. Et qui va décider et qui va orienter tout ça, quoi? J'ai tout de même le sentiment, Jean-Marie Vigoureux, qu'on a longuement et longtemps reproché aux gouvernants précédents de n'avoir aucune ambition scientifique, précisément aucune programmation scientifique. Il semblerait que nos dirigeants actuels aient quelque chose, une intention, en tout cas une conception de la recherche scientifique, certes très appliquée, certes dans des domaines très précis, mais enfin, tout de même qu'il y ait une volonté programmatrice que beaucoup de chercheurs, et à ce micro y compris, ont pu déplorer dans les années précédentes. Donc il n'y a pas tout de même quelque chose un peu paradoxal là-dedans? Je ne sais pas. Parce que si la science fonctionnait comme vous le dites, je crois que vous avez raison, elle ne s'est pas portée très mal. Comme on le disait en sciences humaines, il y a un nombre extraordinaire, par exemple, de philosophes qui ont été appelés à enseigner à l'étranger, dans sciences sociales aussi, et en sciences physiques, il y a eu des prix, il y a eu des résultats. Enfin, Jean-Marie Vigoureux, je peux difficilement vous laisser dire que la science se portait bien avant, après des coupes budgétaires récurrentes, une diminution quasi constante du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, jusqu'à tardivement et encore avec beaucoup de précautions chez François Hollande. Enfin, on a quand même eu l'impression que la recherche et l'enseignement supérieur étaient vraiment les parents pauvres de toute politique gouvernementale depuis 15 ou 20 ans. Mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire, mais je dis que là, elle n'était pas dirigée par la finance, puisqu'elle n'en avait pas. Voilà. On n'est pas pour résoudre le problème, c'est pas forcément en se disant on va confier tout ça aux entreprises ou aux banques que ça va résoudre le problème. Et je défends complètement, moi, une recherche qui puisse être indépendante et fondamentale, pas dans sa totalité, bien sûr. Mais ce que je disais, quelle entreprise irait financer des gens qui se posent la question de savoir si le photon, c'est ça ou ça? Je crois pas qu'il y en aurait. Je me trompe peut-être. Hein, il y a quelques entreprises qui financent le CERN, par exemple. Mais bon, c'est un autre débat, on va continuer à en parler. Oui, le CERN, c'est très beau, hein, c'est très bien, bravo. Mais c'est une autre structure. C'est une autre structure, internationale, tout à fait. Et qui fonctionne autrement, avec d'autres objectifs, et avec des objectifs très précis, par exemple, de ne pas prendre de brevets. Hein, tout à fait. Ils n'ont pas un but, hein. Donc voilà. On va continuer à parler de ces brevets, on va parler des choses aussi assez concrètes, notamment des contrats chiffres pour les thèses, qui sont des partenariats précisément entre un laboratoire, un étudiant et une entreprise privée que le gouvernement veut développer. Puis on va essayer de rentrer un peu dans cette loi de programmation pour la recherche et d'essayer de comprendre ce qui continue à faire peur dans ce côté, dans cet aspect de privatisation du monde de la recherche dans quelques instants. Philippe Glass, Private and Public, à 16h35 sur France Culture. Nous parlons du public et du privé, et bien des liens de la recherche avec le public et avec le privé. On entend depuis le début que ce sont des liens complexes, mais qui déclenchent aussi des réactions passionnées et assez passionnantes. Nous en parlons avec Christelle Rabier, qui est maîtresse de conférence à l'EHESS, l'EHESS en histoire des sciences et de la médecine. Erwan Lamy, qui est professeur associé en épistémologie, histoire des sciences et des techniques à l'ESCP Business School. Et Jean-Marie Vigoureux, professeur émérite à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, enseignant-chercheur. Je vous parlais juste avant la coupure musicale d'un exemple concret, celui donc des thèses chiffres. Erwan Lamy, je crois d'ailleurs que ça a été votre cas, vous nous en direz certainement un mot tout à l'heure. Partenariat entre un étudiant, un laboratoire de recherche et une entreprise, qui est un partenariat en général plutôt bien accepté. Leur nombre doit augmenter dans les prochaines années en vertu justement de cette fameuse LPPR. Et vous êtes allé rencontrer un ingénieur qui a précisément fait ce choix. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, en effet, c'est le choix de parcours qu'a fait Ludovic Ropart, qui est aujourd'hui chef de projet R&D chez Ariane Group, et qui a fait le choix d'une thèse CIFRE cofinancée par Airbus. Une fois sa thèse terminée en 2016, Ludovic Ropart a fait le choix de poursuivre sa carrière dans le privé et nous explique les raisons de son choix. En fait, j'ai voulu faire une thèse quasiment tout de suite après l'école d'ingé. Finalement, le VIE a été une opportunité à l'étranger, donc c'est pour ça que j'ai pas enchaîné avec une thèse. Mais à l'époque, j'ai eu plusieurs opportunités de faire une thèse déjà, que ce soit publique ou privée. Et c'est vrai que les deux me semblaient intéressants. Et je pense qu'en tant que jeune ingénieur, on va dire, je crois pas qu'il y ait une énorme différence en fait entre faire une thèse dans le public et faire une thèse dans le privé ou en partenariat avec le privé. Puis finalement, après le VIE, c'est vraiment cette opportunité-là qui m'a plu, parce que c'était avec des gens avec qui j'avais déjà un petit peu travaillé. On parle souvent du sujet, mais je pense que le cadre est aussi souvent très important, avec qui on va travailler, dans quel environnement on sera, dans quel type d'environnement on sera. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment plu, et donc c'est ça aussi qui m'a amené en fait à faire ce type de doctorat-là. Et puis dernièrement, je pense que je conservais en fait mon passé d'ingénieur, et avec cette volonté de faire de la technique et de travailler sur des produits, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est formé en tant qu'ingénieur au départ. Et donc en fait, j'ai toujours gardé ça à l'esprit, et donc d'enchaîner finalement sur un doctorat en entreprise, en partenariat avec l'entreprise, me permettait de garder cette perspective en fait de pouvoir travailler sur des produits à terme. Ça, je trouvais très intéressant. Et avant d'entamer cette thèse-là, est-ce que vous aviez un a priori positif, négatif sur l'une et l'autre des façons d'envisager la thèse et de la financer. Oui, je pense que j'avais des a priori. Côté public, mon a priori était principalement de finalement le rat de laboratoire qui travaille tout seul dans son laboratoire, assez peu soutenu, mais par contre qui a beaucoup de liberté dans son travail. Et puis le côté privé, l'a priori principal que j'avais, c'était peut-être d'avoir la possibilité d'avoir plus de moyens pour faire ses travaux, mais aussi l'inconvénient en fait d'être dirigé dans ses travaux, forcément vers une application ou vers un objectif final. Et l'objectif final parfois peut un peu dévié par rapport à l'objectif scientifique en fait qu'on pourrait avoir dans un doctorat. Donc c'était l'a priori que j'avais. Ça n'a pas été du tout été mon cas. Dans ce que j'ai pu faire pour Airbus, on a vraiment eu une liberté en fait dans ce qu'on pouvait faire. Et l'objectif était clairement affiché dès le départ, donc entre le laboratoire et puis l'entreprise, de dire on veut aller vers là. Tout le monde était d'accord et on s'est tenu à ça. Et je pense qu'il n'y a jamais eu de divergence entre les deux entités, quoi. Quels avantages et quels inconvénients vous voyez à cette thèse qui a été financée par un groupe privé? L'avantage principal, c'est d'avoir... On a vraiment eu les moyens, je pense, de faire ce qu'on avait à faire. C'est aussi parce que je pense que le laboratoire a été vraiment très moteur en fait dans le travail. Ils savaient qu'en fait c'était un partenariat public-privé et donc ils ont l'habitude de travailler comme ça. J'ai juste mentionné le laboratoire, c'est l'Institut Jean Lamour à Nancy, donc qui est spécialisé en météorologie, enfin qui a certains départements spécialisés en météorologie. Ils ont vraiment mis les moyens, ils se sont investis en fait pour aussi me donner la possibilité de faire toutes les manips que j'avais besoin de réaliser. C'est vraiment ça qui était super bien et qui a vraiment bien marché, quoi. Et puis Airbus m'a toujours soutenu, comme je vous disais, ils m'ont pas mis de barrière non plus dans mes travaux. Ça a toujours été aussi super intéressant. Il faut savoir que j'ai fait la grande majorité de ma thèse dans les locaux d'Airbus, donc là aussi ils m'ont ouvert la porte, ils ont pu me faire découvrir en fait c'était quoi leur métier. Je dirais que c'est vraiment un des avantages principaux dans ce cas-là, c'est de découvrir le monde dans l'entreprise avant d'y avoir mis les pieds, et puis de se faire une idée de ce que pourrait être en fait un futur métier de chercheur dans le privé ou d'ingénieur chercheur dans le privé, on va dire. Après, je vois pas de gros inconvénients en fait à avoir fait ce type de doctorat-là. Je pense que comme je vous disais, j'étais basé directement en entreprise, donc ce que j'ai peut-être un peu manqué en fait, c'est cette vie de laboratoire. Du coup, directement avec les autres doctorants, j'avais peut-être moins d'interactions avec les autres doctorants qu'ont pu en avoir certains. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment très positif parce que ce que j'avais pas là-bas, je l'avais ici avec mes collègues directement au bureau, quoi. Donc c'est très bien passé. Et est-ce que vous envisagez un jour ou l'autre de retourner vers un laboratoire public, vers éventuellement même des enseignements, ce genre de choses? Est-ce que ça vous intéresserait? Je me suis déjà posé la question, c'est vrai. Pour l'instant, non, je me suis déjà posé la question de savoir si c'est quelque chose que je souhaiterais faire. J'ai déjà vu en fait des professeurs, quand j'étais en école d'ingénieur, faire cela. Ils avaient fait 10 ans chez Thales et ils sont retournés en fait enseigner. Pour l'instant, non. Je pense que la raison principale, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui est, par exemple, maître de conférence ou plus haut. J'en connais quelques-uns et je trouve que ça reste des conditions de travail assez difficiles, où il faut beaucoup d'investissement pour peu de reconnaissance. Et ça reste dans l'ensemble assez difficile, j'ai l'impression en tout cas. Et puis, je pense que je m'épanouis en fait dans ce monde d'entreprise. Je pense qu'on n'est pas tous faits pour faire la même chose. Et donc, du coup, je m'épanouis dans ce monde-là. Aujourd'hui, j'ai plus un rôle de chef de projet qui serait, je pense, plus compliqué à trouver en fait côté public. Et c'est ce rôle de chef de projet où on cherche à mener en fait le développement d'un produit ou le développement d'un programme à son terme qu'on aurait plus de mal à trouver en fait côté public. Et c'est dans ce rôle-là aujourd'hui que je m'épanouis. Donc, plutôt non, la réponse. Et voilà notre reportage sur cette thèse CIFRE. Je vais demander sa réaction à Christelle Rabier, parce que je crois que vous avez quelques minutes devant vous avant de nous quitter, peut-être avant la fin de l'émission. Donc je voulais vous entendre sur ce reportage, si vous avez pu l'entendre correctement. Oui, ce qui confirme en fait que la léthos dont parlait Erwan Lamy tout à l'heure peut être tout à fait partagée dans des espaces de travail relevant d'entreprises privées. Et des laboratoires. Donc là, la question ne se pose pas. La question qui se pose un peu, c'est qui finance quoi, comment et comment ces financements sont attribués. Alors c'est là que je voulais intervenir parce que je trouvais que l'ANR était un très bon exemple de ce qu'on pouvait, qui existe et l'Agence nationale de la recherche. La Science nationale de la recherche. Par exemple, imaginons qu'il y a certaines collectivités territoriales qui ont des demandes très très précises. Par exemple, pour prendre l'exemple de Marseille, qui a une histoire coloniale très longue, la mairie pourrait s'intéresser de savoir comment réconcilier sa population actuelle avec sa tradition coloniale. Donc une question là, du coup, pas du tout recherche privée ni industrielle. Donc on pourrait imaginer que, par exemple, une partie des fonds des ANR sont accordés à des demandes précises qui émanent des petites collectivités territoriales, non pas de l'État au sens national, mais pour répondre, et je suis sûre que, en fait, à cette échelle plutôt du territoire, il y a des questions très très précises, il y a beaucoup de gens qui sont en attente de questions. Là, l'exemple que vous peut-être dont vous avez parlé dans votre émission, c'est celui de Fos. Où la pollution est vécue de façon très très difficile par les gens dans leur corps, et qui a eu récemment une enquête d'épidémiologie participative pour démontrer que il y a des effets très néfastes d'activité industrielle de Fos sur lesquels les habitants n'ont pas accès. Donc on peut se poser la question de comment répartir mieux ces crédits pour que les questions qui existent, les questions de recherche qui existent et auxquelles les chercheurs sont très sensibles dans toutes les spécialités, puissent trouver un espace d'entente qui passe aussi par l'octroi de crédit. Mmh. Actuellement, c'est pas du tout le cas. Erwan Lamy, votre réaction à ce reportage et plus généralement à la volonté du gouvernement d'augmenter ces contrats CIFRE en thèse? Moi, je vais pas être très neutre parce que j'ai fait une oui, CIFRE. Oui, justement. C'est pour ça que je vous pose la question. Un ancien thésard CIFRE. Écoutez, pour moi, ce modèle de financement de thèse, c'est vraiment l'exemple de la collaboration saine entre recherche et industrie. Moi, je l'ai fait dans une toute petite structure. C'est un incubateur public, au tout début des années 2000. Et, entre cet incubateur et un laboratoire, à Cachan, un laboratoire de sciences humaines, l'IDHES. Où je suis toujours chercheur associé, d'ailleurs, aujourd'hui. Et ça s'est également passé de la manière la plus, j'allais dire la plus normale qui soit. En fait, j'avais mon sujet de thèse et je l'ai développé à cheval entre ce laboratoire et cette entreprise. Et ça, c'est notamment parce que l'ANRT, l'Association nationale recherche et technologie, qui gère les CIFRE, fait très attention à ce que les thésards restent bien sur leur sujet de recherche. Et soit pas tiré vers des sujets annexes qui pourraient leur être proposés, soit par l'entreprise, soit par le laboratoire. Qu'il n'y ait pas de compétition comme ça, mais que dès le départ, le contrat soit vraiment bien clair. Et au bout du compte, on arrive à une vraie collaboration. Je crois que ça peut être vraiment effectivement quelque chose à développer. Évidemment, il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'autres financements de la recherche. Si on détricote Paul pour habiller Jean, ça va pas aller. Mais si on développe cette forme de collaboration en elle-même, c'est une bonne manière de rapprocher le monde dans l'entreprise du monde de la science, sans vouloir transformer la science en un monde de l'entreprise bis. Jean-Marie Vigoureux, votre sentiment à ce propos? J'ai peu de choses à dire parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu à intervenir dans ce type de bourse. Mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Erwan Lamy, hein. C'est un bon, surtout parce que ça se fait pendant un temps limité, hein. Les jeunes chercheurs sont en thèse. La thèse, c'est 3 ans en moyenne, quoi. Hein, donc, ça se fait pendant un temps limité. Ça leur permet de découvrir à la fois le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Et c'est un lien, effectivement, qui est tout à fait sain, à mon avis. Je ne peux pas donner de choses concrètes en plus là-dessus, quoi. Alors, je vais vous conduire vers un terrain qui risque de vous faire grincer un peu plus des dents, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est au centre de la démarche, comme je l'ai dit au tout début de cette émission, de l'actuel PDG du CNRS. C'est aussi certainement quelque chose qui est dans l'air du temps, parce que c'est quelque chose qui a été évoqué à plusieurs reprises par le président de la République lui-même et par le gouvernement. C'est celui du développement, donc, de cette entité que serait le chercheur ou le scientifique entrepreneur, c'est-à-dire la volonté de développer un certain nombre de start-up de pointe, notamment dans ce qu'on appelle les deep tech, c'est-à-dire très orienté vers de la technologie appliquée immédiate de l'intelligence artificielle. J'ai bien entendu tout ce que vous m'avez dit. Je n'ai pas été sourd à ce que vous m'avez dit pour la première partie de cette émission. Néanmoins, la question que je vous pose, c'est dans ce secteur particulièrement concurrentiel qui demande un peu de capital risque, qui est très lié à la structure de l'économie néolibérale, comment faire pour pouvoir maintenir un niveau de recherche élevé, c'est-à-dire aujourd'hui compter au niveau international dans la recherche sur les deep tech et en intelligence artificielle, sans en passer par cette forme-là de prise de risque économique et industrielle. Erwan Lamy. Erwan Lamy. Vous m'entendez ? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Je vais partir de quelque chose qu'a dit le jeune dont on a entendu le témoignage à l'instant. Là, il a dit quelque chose de très banal et très important en même temps. Il a dit qu'on n'est pas tous faits pour faire la même chose. Et c'est très vrai pour la création d'entreprise, pour des chercheurs. Il y a des chercheurs qui ont envie de créer leur boîte, qui ont envie de créer leur entreprise, parce que ça les intéresse, parce que ça peut leur apporter des financements, parce que ça leur permet de développer, par exemple, un instrument, parce que ça peut aider leur propre recherche, même parfois. Et dans ce cas-là, très bien. Là où ça devient vraiment problématique, c'est quand on dit à tous les chercheurs, devenez entrepreneur, c'est génial. Mais est-ce que c'est vraiment le discours, Erwan Lamy ? C'est le discours, même si c'est pas le discours explicite, c'est très clairement c'est le sous-texte du discours, avec toutes les formations à l'entrepreneuriat auxquelles doivent se soumettre les doctorants, et avec tout le discours politique qui fait du chercheur entrepreneur une sorte de nouvel idéal scientifique, alors que ce n'est qu'une trajectoire parmi d'autres, qui doit être aidée pour ceux qui souhaitent la suivre, mais qui n'a pas nécessairement à être favorisée. Je suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle, mais j'imagine qu'on doit faire de l'aussi bonne intelligence artificielle dans les laboratoires de la recherche publique que dans les laboratoires des start-up. Bon, ensuite, il y a les moyens gigantesques dont disposent les grandes entreprises d'Internet, ça c'est autre chose. Ils peuvent faire des choses qui sont sans doute hors de portée des laboratoires publics. Mais si on met ce cas-là à part, je pense pas que les start-up soient une solution miracle pour cette voie de recherche. Donc, sur ces questions, il faut vraiment avoir un discours équilibré, ne pas jeter l'opprobre forcément sur l'entrepreneuriat académique, mais ne pas en faire non plus la panacée. Christelle Rabier, si vous êtes toujours avec nous. Si, à peu près, vous m'entendez ? Oui, on vous entend à peu près, mais c'est pas très bon. Oui, mais C'est pas très bon, mais je suis à la gare, je suis désolée. Donc, sur la thèse CIFRE, ce qui est intéressant, c'est que le doctorant était très satisfait de son expérience. En fait, il existe des expériences CIFRE qui sont dramatiques. Par exemple, les entreprises ne veulent pas que les données de recherche qui ont été élaborées pendant ce temps de thèse soient rendues publiques. Or, c'est quand même une condition que les thèses soient des textes rendus publics. Et avec des fois des docteurs qui ne le deviennent pas parce que ça se passerait très mal à la fin du... Donc, c'est pas toujours idéal comme structure. Donc ça, c'était un premier point. Mais ensuite... je ne sais plus exactement sur quoi vous vouliez me faire intervenir. Non, mais c'est pas grave. Et puis, le son est particulièrement mauvais. Donc, je vais vous remercier, Christelle Rabier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de problème. Je vais vous laisser prendre votre train. Je crois que vous étiez assez pressé. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et très bon voyage à vous. Jean-Marie Vigoureux, du coup, on va revenir sur la question précédente avec Erwan Lamy. Quand on est dans des secteurs où, effectivement, soit on a des grandes entreprises qui ont des moyens d'investissement colossaux, soit on est dans des secteurs de pointe, soit qu'effectivement, on est dans ce registre des deep tech, est-ce qu'il y a d'autres, disons, formules qui auraient, grâce à vos yeux, qui ne tomberaient pas dans les travers que vous dénonciez en première partie d'émission ? A priori, je suis pris de court pour répondre à ces questions, mais je reviendrai quand même sur ce qui vient d'être dit. On demande beaucoup aux chercheurs. Je crois qu'il faut tenir compte de ça. Tout le monde, comme l'a dit un précédent intervenant, n'est pas fait pour faire la même chose, et c'est bien, mais pèse sur le chercheur quand on dit de rapprocher la recherche de l'entreprise. Je disais tout à l'heure aussi, ça serait pas mal aussi que l'entreprise, qui ignore quand même souvent le domaine, ce qu'est la recherche, se rapproche aussi. Je veux dire, il faut faire un pas l'un vers l'autre. Je me souviens d'un livre de Bruno Latour, je crois que c'était Le métier de chercheur, dans lequel il disait que La plupart des dirigeants français, qui étaient pourtant formés dans des grandes écoles, adorent la science et détestent la recherche. C'est intéressant. Mais alors, ce qui pèse sur les épaules du chercheur, c'est énorme. Et on ne le prend pas vraiment en compte. Il fait de la recherche, normalement, puisqu'il est chercheur. Quelquefois, il fait de l'enseignement ou de toute façon des séminaires. Il peut avoir la responsabilité d'une équipe. Il a en plus des charges administratives. Il doit faire des dossiers, quelquefois, si c'est au niveau européen, d'une centaine de pages, en sachant qu'il va lui en faire, il va falloir en faire 3 ou 4 pour que un puisse être positif, parce qu'il y en a plus de 80% qui sont rejetés. Il va rechercher des crédits. Il va peut-être prendre des brevets. Il va devoir vulgariser, parce que maintenant c'est dans les tâches du chercheur, amener à faire passer dans le grand public ce qui se fait dans son laboratoire. Et maintenant, il faudrait qu'il devienne entrepreneur, partenaire d'entreprise, qu'il crée un... Mais c'est énorme. Le bon sens me dirait, il faudrait que le chercheur puisse chercher, déjà. Et puis éventuellement que l'entrepreneur puisse entreprendre, avec un lien entre les deux, bien sûr. Mais c'est vrai que dans les réformes successives de recherche, je ne dis pas la dernière, parce que je la connais pas bien, mais dans toutes celles que j'ai connues et qui ont précédé, c'était chaque fois alourdir un peu le poids des tâches qui pèsent sur... Sur le chercheur, oui. Jusqu'à ce que certains d'excellents chercheurs, des collègues, arrêtent complètement la recherche parce qu'ils ne pouvaient plus en faire. Oui, c'est quand même un problème. Bien sûr, non, évidemment. Ce sont des exemples ponctuels et on en a déjà parlé, mais comme on a du mal à disposer de statistiques là-dessus, c'est toujours difficile de faire une généralité de cas particuliers. Peut-être pour conclure, Erwan Lamy, mais rapidement, Jean-Marie Vigoureux, si vous aviez, vous, l'un et l'autre, vous en parlez un peu dans votre livre, Jean-Marie Vigoureux, on va peut-être commencer par vous, mais très rapidement, une idée, quelque chose qui permettrait de briser ce cercle vicieux que vous décrivez, qui conduit justement à cette figure du chercheur entrepreneur, ou en tout cas à la pollution de l'univers académique par des enjeux financiers privés. Bon, eh bien, je dirais qu'on parle de recherche, on parle d'application, on parle de profit ou de valorisation. Je pense qu'il faut, pour bien pouvoir se situer, garder ces trois mots séparés. La recherche n'est pas nécessairement tournée vers des applications. Et l'application n'est pas nécessairement tournée vers un profit financier. Il y a des tas d'applications intéressantes, humainement utiles. Et je crois que si... Mais en ce moment, l'idéologie dominante, ambiante, fait que quand on dit recherche fondamentale, on dit « oui, mais il y a des applications ». Et quand on parle d'application, on dit « ah ben ça va servir à, financièrement, ça va ». Mais non, il faut essayer de prendre du recul par rapport à ça et essayer. Erwan Lamy, pour conclure en quelques secondes. Je crois que M. Vigoureux a le mot de la fin. Il faut effectivement séparer. C'est un peu old school, ces histoires de séparation, mais il faut séparer pour mieux articuler, en fait. Il faut éviter les confusions pour que les sphères du monde de l'entreprise, du monde de l'industrie et du monde de la science puissent mieux discuter. Et puis, comme le disait également M. Vigoureux, il faut également que le chercheur cherche, parce que c'est fondamentalement ça, son activité. Que les chercheurs cherchent, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Christelle Barbier qui a dû nous quitter, Christelle Rabier, pardon. Merci Erwan Lamy. Merci Jean-Marie Vigoureux d'être venu débattre de cette question de la financiarisation ou de la privatisation de la recherche. Je rappelle qu'on peut vous lire Jean-Marie Vigoureux, Détournement de science, être scientifique au temps du libéralisme, c'est aux éditions Éco-Société. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Dégat de Saint-Vulfranc, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. N'oubliez pas que depuis hier, j'ai oublié de vous en parler, vous pouvez retrouver les idées claires de la semaine sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, ainsi qu'en podcast. Avec cette semaine, la question, les masques servent-ils vraiment à endiguer l'épidémie de Covid? Voilà, on essaye d'y répondre avec une scientifique. Demain, ce sera un vendredi fiction. Que se passe-t-il lorsque l'humanité est gérée en paix par des machines qu'elle a elle-même inventées? Il se passe que vous êtes certainement en train de lire un roman d'Isaac Asimov, dont on fêtait le centenaire de la naissance cette année et dont le chef-d'œuvre Fondation vient d'être adapté en série, sera diffusé sous peu. On parle de l'un des plus grands noms de la SF demain et on se retrouve, comme tous les vendredis désormais, demain à 7h15 dans la matinale de Guillaume Erner pour la radiographie hebdomadaire du coronavirus, et puis demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.